français. Putain, la cassette est cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. Jamais détalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs. On s'entend sur dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle j'avais gardé car on ne peut pas se passer, chacun le sait. Ça m'a jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'écarte et toi qui tiens le choc. Tu chantes, chantes, chantes, ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à vous toutes, il est 13h40, voilà, donc c'est cette musique là qu'on va se dire bonjour à vous toutes et à vous toutes. À vous toutes. Voilà donc, eh bien, retour avec le mardi 1er mars, avec un retour avec l'émission Music Dance jusqu'à 17h. Voilà donc, eh bien, juste un instant, on a pu entendre tout simplement début de soirée. Donc dans l'après-midi, on va faire un petit tour du côté des années 80. Voilà donc, bien, juste après cette chanson, tout simplement, eh bien, je vous laisse avec Town Boy, avec le salon. Voilà ça, et puis juste après, c'est Work Non. We'll be right back. Sur l'orage, Electric Avenue. And then you take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication. Et puis juste après le groupe Gaul, plus près des étoiles. So

tout simplement un chanteur qui s'appelle Rick Astley. Et juste après lui, on écoutera Eddie Mitchell. Eddie Mitchell avec Miss Duval. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Donc Eddie Mitchell avec Miss Davis, avec juste après que ce soit Pierre Lachelle, tout simplement avec les corons. Mais son moteur au point mort. À part sa mèche, rien ne bouge. Sur le volant, elle s'endort. Je me reflète dans ce verre. Elle ne peut plus voir personne. Ces gosses doivent vous faire souffrir. C'est quand le mariage avec Paul. Quand j'ai sifflé au feu rouge, d'abord je me suis dit hold on. C'est bizarre, rien ne bouge. La suite est dans mon rapport. Je dis, c'est mon fils. Vous êtes bien pâle. Quelque chose ne tourne pas rond. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables. Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays. Et je lui dois ce que je suis. Thank you.

à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. I picked you out, I shook you up, and turned you around, turned you around.

Voilà donc pour la programmation à partir de juste après moi, donc plutôt à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver l'émission Electric Shock avec Christophe. Et puis demain, on sera mercredi à partir de 9h jusqu'à. Non, 7h jusqu'à 9h avec Frankie au réveil. Et puis juste après, entre 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission Victor, Portugal Novestal. Et puis dans l'après-midi, vous allez retrouver tout simplement entre 14h jusqu'à 16h Gloria avec Musica. Et puis dans la soirée, entre 18h jusqu'à 19h30, Violette traditionnelle. Et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Voilà donc pour aujourd'hui ainsi que pour demain, mercredi. Donc je vous laisse avec un titre tout simplement, et eh bien c'est du soul avec Barry White, et puis suivi de La Roche Valmont. Et puis si vous aimez voyager, eh bien donc allez voyager tout simplement avec une des chanteurs de voyage avec Voyage Voyage. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, it's really, really nice. I can easily feel myself slipping, slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. spécial, un amour de FM. Voilà donc, on a fait un petit tour du côté du Portugal avec quelques chansons donc du Portugal. Et puis un petit bon coup à Florian. Voici donc un des titres qu'il aime. Et puis d'autres chansons qui vont suivre. Voilà donc, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Vem tirando uma selfie que eu quero publicar. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estudar. Jeito que me deixa bater mal. Gosta de mim, é a valer. Diz-me que não, se tira uma foto com ele. Não gosta de internet, nem quero Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tu só tens que sorrir. E vejo um filho, uma selfie e vou tirar. Flash, flash para cá, flash, flash para lá. Vem tirar uma selfie que eu quero. Oh, tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc bien, juste après le Portugal, eh bien, voici donc Gilbert Montagnier et puis suivi de Images. Voici donc eh bien les sonates des tropiques et puis juste après corps à corps. Ça fait quelque chose. voici, il s'appelle tout simplement Nick Kamen, et juste après Elsa. c'est aussi ça. Les gens qui sont éclos, elles seront belles sur chamaille où l'on explose, on se fait mal, pas grand chose. Allez, viens, c'est trop bête, on en reste là. On s'embrasse, on oublie tout, mon amour. Et toi, qu'avant tout. Ce sera Daniel Guichard. Elle est debout sans bagage. Ma Cuba, elle danse tous les soirs pour les tangos.

people party, people happy, people jumping on the party, so shout out. Oh Lord. moi si tu me survis d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur de ne pas en faire. Un amour de la femme. Voilà donc la suite des émissions pour le jeudi, ainsi pour le vendredi matin. Donc, eh bien, pour le donc, jeudi matin, à partir de 7h jusqu'à, de 7h jusqu'à 9h avec Francky au réveil. Juste après, entre 9h et midi avec Amer Giro, avec Vaz de Portial. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h, eh bien, vous allez retrouver l'émission tropicale avec Groove Tropical Chantal. Et puis en soirée, entre 18h jusqu'à 20h, Sylvia, avec pause musicale. Et puis donc, dans le matin, donc à partir vendredi, de 7h jusqu'à 9h avec Francky. Et puis donc, la suite jusqu'à midi, entre 9h jusqu'à midi, avec Lorenzo. Et puis donc, vous pouvez me retrouver moi-même le vendredi après-midi, entre 14h jusqu'à 16h. Est-ce comme un souvenir? Voilà donc, je vous laisse avec Aqua, avec Barry Gold, et puis juste après le duo avec Modern Talking, Your Heart, Your Man Soul. Et puis donc, le groupe tout simplement collectif Métissé. Hiya, Bobby. Hi, Ken. Bonne écoute à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Jump in. I'm a Bobby girl in a Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. Go party! I'm a flock in the girl in the fantasy world. Dress me up. Caliente Cuba, y que viva la vida, es una fiesta loca.

dans son studio pour du bijou. Une vache à aller, yeah, yeah, yeah. Et c'est pas tout, brigadier. Un feu dans son aquarium et un anon dans son armoire. Une tortue dans son jardin, un hérisson dans sa tortue. Un caniche dans son frigo et un voile dans la main. Le salaud.

Être qui me colle encore au cœur et encore. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Champs-Élysées. Je suis parti, je ne sais où, mais pas où je voulais aller. Dans ma tête, y'a des trous, je me souviens plus des couplets. Y'a des rêves qui sont cassés, des airs qui partent en fumée. Des trucs qui me collent encore au cœur et au corps. I'd be safe to me. C'est cette musique de Glenn Muller qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc, j'espère que vous avez passé une bonne midi en ma compagnie. Donc, on va se retrouver en fin de semaine, donc et bien, vendredi ainsi que pour dimanche pour l'accordéon, ainsi mardi prochain entre 13h30 jusqu'à 25h. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes.